Guillaume, tu nous emmènes où ? À Thonon, avec Tocan Chablais qui est de retour jusqu'à demain dimanche. C'est une nouvelle édition haute en saveur cette année, embarquée pour un voyage sensoriel direction Capri, perle de l'Italie. Et laissez-vous séduire par la richesse de la gastronomie italienne. Nouveauté, le festival accueille une pizzeria géante en plein air où petits et grands sont invités à enfiler le tablier et à créer leur propre pizza. Le festival propose aussi une richesse de palettes, de cours de cuisine, d'ateliers, barista, œnologie, mixologie, zytologie, sans oublier la découverte autour du whisky et du cognac, avec modération bien sûr. L'occasion idéale pour apprendre et partager des moments. Tocan Chablais, c'est aussi l'occasion de tester l'expérience unique Diner in the Sky au-dessus du Léman. Vous allez manger les pieds dans le vide en hauteur. Tout le programme sur le site tocanchablais.com. Tocan Chablais, c'est donc jusqu'à demain à Thonon. Autre rendez-vous à ne pas louper dans nos pays de Savoie, Megève, avec les différents rendez-vous dans le cadre du jour de la nuit. Une opération nationale ce week-end de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne. Place à la magie du ciel étoilé et à l'émerveillement. Alors au programme, atelier découverte des rapaces et de la biodiversité nocturne, conférence sur la pollution lumineuse et ses effets sur la biodiversité et la santé. Il y a des rencontres, des lectures théâtralisées, une soirée astronomie, cocktail à la belle étoile sur l'esplanade du Calvaire. Le ciel est un patrimoine à protéger. Le jour de la nuit, c'est l'occasion de changer de regard sur les lumières artificielles et de se retrouver dans le monde de la nuit et de savoir comment protéger ce monde de la nuit. Le jour de la nuit, c'est donc à Megève, c'est ce week-end. Je vous souhaite de très bonnes sorties, un très très bon week-end surtout avec Radio Mont-Blanc dans nos pays de Savoie.